veut le port d'armes. Et les gros pas dans le club Van Damme. J'fume la peu d'Amsterdam. Celle qui est bonne qui te monte au crâne. Si tu veux de la bonne, le petit écrase de Doliprane. Si dans le vice tu déconnes, sur blender armé en bécane. Moi c'est une bécane, nanana. Et je déconne, nanana. J'ai que vous étonne, nanana. Encore un album, nanana. J'suis plus dans la zone, nanana. J'me suis taillé, nanana. Mi corazón, nanana. J'm'en vais, ça y est, nanana. Pochon dans le sac des soirs. Ta tête tout posée, soir. J'ai envie de rebelle. Formé d'habit pour faire des choix. Sur un petit là à mon décès. J'ai fait des sous, ça m'a laissé. Ça m'a haï rabaissé. A mérité des blessés. Tu me racontes tes blèmes. J'ai d'autres soucis. Il m'embellit même. C'est la jalousie. Il récolte ce qu'ils aiment. J'suis comme le danco aussi. Dis-moi ce qu'ils aiment. Je dis ce que j'ai. Ça veut le port d'armes, les gros bras j'en claque Van Damme. J'fume la peu d'Amsterdam, quelques bonnes qui compte au crâne. Ça veut le port d'armes, les gros bras j'en claque Van Damme. J'fume la peu d'Amsterdam, quelques bonnes qui compte au crâne. Des fois j'passe par le secteur, ils me reviennent les souvenirs. Les temps pleins dans le quartier, avant de voir les souvenirs. J'vois le galère dans le ballon, j'vois encore deux chics dans le salon. J'pas changé, j'représente toujours ta foi à part l'aide, beau match une talon. Promenade, ça travaille les becs. Rien du parlu, ça arrache des têtes. Je suis une balance, c'est le maton les bêtes. Je suis une balance, c'est le maton les bêtes. Tu me racontes tes blèmes. J'ai d'autres soucis. Il m'embellit même. C'est la jalousie. Il récolte ce qu'il t'aime. Je suis comme le don aussi. Dis-moi ce qu'il t'aime. Je dis ce que j'ai. Ça veut le port d'armes, les gros bras j'en claque Van Damme. J'fume la peu d'Amsterdam, celle qui est bonne qui compte au crâne. Ça veut le port d'armes, les gros bras j'en claque Van Damme. J'fume la peu d'Amsterdam, celle qui est bonne qui compte au crâne. Moi j'fume des cannes, nanana, et j'ai des.